fin de week-end sur Espace à 18h le dimanche, c'est Funky Mix. Bienvenue, 120 minutes de pur son funk sur la plus normande des radios. Funky Mix fait son show. Funky Mix. Soul. Disco funk. Welcome to the Funky Mix Show. Funky Mix Show. Funky Mix Show. Tous les soirs de la semaine et le week-end, on se réunit pour écouter les meilleurs sons soul, disco, funk. Dans un instant, je vous emmène en 91 pour une reprise de Bananarama. Oui, Bananarama, c'est dans Funky Mix avec Long Train Wedding, mais ça va être très surprenant. Et puis maintenant, c'est numéro 1 sur la soul avec Nina Simone, Save Me, remix spécial, Funky Mix, Espace. do. Yeah. If you think anything about me, if you love me at all, if you love me at all, please now. Funky Mix. Number one in disco music, soul music, and funk music. Funky Mix. Family affair. Oh, yeah, family affair. Shy and the Family Stone. C'est Family Affair dans les années 90. Alors Chabaranx l'a repris. Et c'est dans un instant que je vais mixer pour vous. Bienvenue dans Funky Mix. Vinzy, Narada, Michael Walden, Easton Funk, Gino Socio. Et là c'est MG, Michael Jackson pour Pretty. Funky Mix. Funky Mix. Where did you come from, baby? I see. someone stirring in my soul. Two fighter lovers with a long time. I can't believe that love has taken its last toll. Wait, 'cause this is my first time. You got the kind of love like sunshine. But I think back when I was lost and insecure. La meilleure playlist funky, soul, disco, elle est ici. La preuve, je vais mixer dans quelques minutes. Mais d'ici là, on écoute Patrice Rushen, Never Gonna Give You Up. C'est à la limite du disco et ça fait du bien sur Espace. Mix. Funky Mix. Yeah.